بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، خاصة المصنف سيد الإمام صلاح الدين وجميع المحبين. أما بعد، جناو بن سنتي على جلتي أنتي صلى الله عليه وآله وسلم نيلن دين يدلن شعر دين بالحق نيل برم سبحانه وتعالى بولن جيغل تي جوتاي بي ويسو ني وون باتاي تي عوالم الانسان تي مانام ادنا ي برم سبحانه وتعالى موني دوم ادمه ba gisone nañu li nga xamantene mom mo aju ci né nit ki ni xolam mel nonu la ci alcorane di feñé. Voilà, lool mom motax bi nga xamné sama borom subhanahu wa ta'ala dafa arrêté dafa tejj buntu ku wacce ay at sharia ak alcorane bi ni texte alcorane bi ni nga xamné kenn mënu indi alcorane bu bes nan fiim tollu li nak nagn ko ci yok ndax dat legui man yalla daf ma wax na ma nanu jang nangam nan ko ci bolé wala até sharia yi masalan tay fim tolu la nga xamantene dafa xusone ba dagan kenn mënatul ñew né ah waw man kat sama borom xamal na ma na nangam bi daganon li taxone mu dagan waye legui comme que aduna soppeku na legui nak namu jëra di haram wala bok mbir haram mu né ah waw mbir ñuy ket dafa haramon waye sama borom mu xamal na ma na légui dal li kat mo taxone mo xaram waye dal légui nak fofu na wëlbeutiku na dagal manam loolu duma nan du am niki nonu itam sama borom subhanahu wa ta'ala du wacce kenn ne ko par exemple ah julli kat masalan kenn du ñew dan ah julli kat waaw di gënal ni xam nga ni bi fi yent bi di joge sallallahu alayhi wasallam bobu julli jurom la won ndax nit ñi dañu amon jot waye légui comme nit ñi dañu ñak jot légi julli gi dañ koy daali wañi rek def ko ñetti julli au lieu muy nek juroomi julli manam lolu du am lolu mom manam kenn mënta musa ko waane bo wax lu mel nona ba pare di espérer ñu manam nit ku yewu di la deugal voilà maintenant nak nit mën nako wax ñi wayé di top ko ñi xam tane ñu xamuñu li xew yeeguñu li geejji di rir seen xel ñor top ko parce que tout simplement xamuñu mais lolou mën tane mais nak borom bi bimu tejé buntu bobu tejul buntu yépp amna benen buntu bu mu bayyi moy le fait que alcorane di wacc ci xolou nit ñi di renouveler c'est-à-dire que ñu ci am tout temps compréhension yu bess ñu ci amé ay xam xam yu bess ñu ci découvrir ay mbir yo xamanteni ñu ndik ni peut-être que bu fekké tane de manière ci global xamuñu ko won ak de manière particulière amna ci ñu bari ci ñu ndik ni ñu ko xamul won parce que wax né li kenn mësu ko xam dafa graw parce que en fait nit ñun lu ko yalla may ci xéet xam xam ci walu yalla tamit mën ta taxaw ni li man da ko xam keneen xam ko won avant mën na ni lima xam ni keen bindu ko fenn lool mën na ko wax te degguma kenn mësu ko wax lool mën na ko wax mais kenn xam ko won manam kenn wax ko won waaw kay kenn bindu ko won waaw kay mais kenn xam ko won lool benen affaire lol benen affaire la bu gëna voilà lol dafa nakaré affirmer té ku yéwu duko affirmer jamais deug la nak nit ki lu muy gënd di évoluer ci yalla yalla da koy xamal yo xamné muy gis lo xamné muy yëk di xam yo xamanteni avant manam ñiko manam binnu ñuko fenn en fait parce que tout simplement ci xol yi rek la ko yalla lay wacc xam xam la bo xamné ci xol rek la ko yalla lay wacc voilà té lolou même à un niveau bu gëna ndaw day dal presque ñëpp ngay am ben affaire bo xamantene ngay lire alcorane wala ngay nga am ben manam jek rek mu melni dafa am ben compréhension bu spécifique bu juddu ci yow ñani ah affaire man likité way mi man ndek do xamna ci affaire bu bes en fait lo xamne en réalité kenn jangalu yalla mo la ko jangal directement amna ay xam xam yo xamne yalla mo koy jangal nit ci directement du am intermédiaire lolou amna voilà menna lolou nak lay depo ak nit ki solo xolam sel na wala xolam selul proportionnellement ak lolou ci la lolou di amé c'est à dire que proportionnellement ak xolam sel na wala selul ci la lolou di amé voilà ba gisone nañu lolou boko beugé def xéetu xalwo yi ci aju manam naka la et cetera ak dangerosité bi nek ci duggu xalwo sans digelu serigne voilà serigne bobu quoi ñor duggu parce que borom subhanahu wa taala bété gi mi bété nit ñi ak yu ak ci yu mel non légui benen bir tamit bi nga xamantene mom lañ wax moy borom xol yi nga xamne liñ gissone bokku na ci ñu gissone kene moy borom xol yi nga xamne borom subhanahu wa taala da ko fessal leer ndax borom bi day soti ay leer ci xolu nit ñi ñoñu sheytaane bu en fait du am jeexital ci ñoo wala seigne dou li lañ doon wax torop hein wala c'est à dire que dafa am niveau spirituel bo xamne bo fa yeggé parce que sa xol yalla daf ko soti leer bam fess sheytaane du am effet ci yow wala sheytaane do am effet ci yow wala manam lool la ko mais di xumbal hein ne modou ngola samba rek mom mo am lolou du deug en fait amul wala modou meun nako am deug la samba meun nako am deug la mais du modou wala samba kesse mo am lolou ko waxu deug c'est que dafa am yo xamantene il faut que ñu comprendre manam soit dafa am yo xamne ku koy wax soit da nga xamul wala da nga nek de mauvaise foi tout simplement voilà état spiritualité la bu fa nit yeggé non lay mel yalla nañ fa yalla yeggal moy yalla bu jëlé lèr diko sorti ci sa xol diko sorti ba mu fess légui boba sheytaane doot amati effet ci nit ku mel non deng du len genn mukk du len meuna genné tam ci sen ubudiya manam le fait que ñu nek ño xamné perpétuellement c'est à dire que fuñu meuna nek sen mbumuk jam gi day yëngatu c'est à dire que état wu nek jamu yalla day lolu du dem ci ñom lolu mom motax ñu laaj iblis ne ko nak nga mel ak cheikh abu madian moy al-ghaus radiyallahu anhu serignu ibn arabi radiyallahu anhu mo ne ko comme nit la manam mi ngi melni comme ko xamné dafa gaanu way ci geej moy geej gu reey l'océan manam tay fim tol ku demone ci océan atlantique bi dat fay tour ndox mais ban effet lay am ci geej gi amu fa effet non la mel lolou mom motax sheytaane yi day sanni ci xol wallu yi ay mbir mom dina fi def dina def comme ni mi def ak ñepp lay def ak wallu yi hein sheytaane comme ni mi def ak ñepp lay def ak wallu yi mais sauf que dafa am ben affaire bu wallu yi di am te ñi ci dess normal manam le coma duñ ko am moy lan moy da doon am effet ci ñom moy comme ku jël ku comme nit bu démé du tour ndox ci océan atlantique bi wala océan pacifique bi mais en réalité bu yakare ne dina changer soit couleur bi wala goût bi wala je sais pas wala xet gi wala mais c'est parce que day nax bopam rek en fait voilà donc c'est ana lool mom motax tout temps muy nek ci déception bobu nonou par rapport ak ñoo ndax yalla daf leena ar motax biñ laaje al imam wala al cheikh abu madiana radiyallahu anhu al ghaus ci le fait que nit ñi diko raay di ñew diko siar di yoyu nonou ndax est ce que dina am manam loolu est ce que du def xam nga en fait le commun le commun manam masse populaire bi so ñewé di len magal di len kiy ak yoy loolu day am effet ci ñom non obligé mo am effet ci ñom waaw am effet ci ñom mais wallu yi amul effet ci ñom en fait du jaar sax ci seen xel ndeysal amna gis nga solo nit ki manam dafa am yo xamantene ku koy demander ku nek ku koy laaj ku nek diko réclamer ku nek c'est parce que tout simplement agugul fenn wala bok agugul niveau bi tax ñu wax moy kuy réclamer ñu lay magal ñu lay yekiti di la ki ak yu mel non bon maintenant nak ci commun bi ko ci domaine comme niñ ko tuddé en fait profane bi c'est normal que ñu trouver yu mel non parce que en fait amna par exemple ki yo xamné comme amna ben enquête bu mo don sétane ndaysan am ko xam voilà comme gis ni mom day laaj pour ñu privilégier ko wala ñu jox ko ay voilà ah lolu yëf yi goné la ça manam aussi yëf yi goné la spirituellement voilà comme mom limu laaj ni voilà deug Seydou Khadija voilà jox nañu exemple mais c'est normal donc ci côté profane bi nit ki diko ki comme par exemple amna ben enquête mo don sétane ndaysan ben am docteur manam ndaw ci docteur la mais dañ ñoo dafa nakari béret ba nga xamantene boko wowe té waxo ko sax docteur manam fi mu tollu mom at na xuluk yow parce que manam day fajaati quoi médecin la quoi voilà voilà mais mom manam tellement que voilà day réclamer ki bobu quoi ak tamit dafa xaw nakari béret quoi mais voilà lol ci milieu profane c'est normal hein voilà voilà c'est normal voilà comme avocat bu ndir wax maître mu mel parce que ken waxuko maître voilà lol amna maintenant lol ci milieu profane c'est normal mais boudé milieu religieux bi ça que spirituel bon pas religieux strictement mais spirituel lol c'est pas normal lol normal c'est parce que lolou day tek lene borom batay amul manam amul auteur c'est à dire que tay bu fekente ne day xamé kiko nga xamné da ko nuyo ben loxo wala ke nuyo ko ñaar loxo wala ki nuyo fon loxo bi mu xamé len ci point bobu c'est parce que da fay réclamer c'est parce que xolam fièvre bobu batay mi ngi ci eke en fait déñugul complètement manam amna lu ci dess lo xamné déñugul complètement moy bakkanam té lolou dara luddul bakkan kessé la c'est parce que bakkan bi deñugul libérégul complètement tout simplement lool rek la maintenant lool mom moy ben volet bi mais benen volet bi aussi jandu souligner c'est à dire que teggin yi nga xamantene mom lañ wara am aussi par rapport ak ñom moy lan moy c'est à dire que tay buma démé suma démé ci kanam tribunal bi juge bi tuddu Samba Ndiaye duma ñew naan ko Samba Ndiaye nangam c'est à dire que même mom bu réclamer wul makoy wax monsieur le juge wala yu mel non aussi man ma wara xam teggin yi ma wara am par rapport ak mom voilà et que duma ñew ci président naan waaw François de mom François yow voilà monsieur François non monsieur le président là hein voilà etc boudé voilà ambassadeur man ko son excellence nangam wala yu mel non manam lolu moy ben côté c'est à dire que c'est comme si monsieur Diop par exemple professeur mathématique élève ami duñu ko tuddé par exemple Modou Diop manam buñu nekké classe monsieur lañuy wax manam ça dit que yoyou tamit lolu moy benen volet bi ça dit que deux volets yépp il faut que manam deux volets yépp il faut mu exister té lolu mom moy di jaar lolu moy di jaar lolu moy lu normal voilà légui mom biñ ko lajé né quoi nit ñi kon ray lay ray saway di la siar ak yoyou est-ce que du am benn jeexital ci yow mune est-ce que xeer bu ñuul bi manam biñuy foon makka moy xajar asad bu mune ko mune est-ce que amna ben jeexital bu muy am buy am ci mom su fekkante nit ñi ñing koy foon wala diko raay yenenti yaalim salatu salam bu ñewé diko foon sey yoy est-ce que dana tax xeer wi yek ne oho man diiw sax foon sinama manam yenente bi sax sallallahu alayhi wasallam fonci na keni damay da day dal di genn ci nek gi mu nek xeer dem nek ji lenen lulul xeer du ko taxa nek or wala khalis xeer lay don toujours xeer la ñu ne ko dedet mu ne ah wala man nak man ma xeer wo c'est à dire que amul luy changer sama statut ben affaire kessa la moy lan moy jam la sama statut moy jam la considération bi ma nit ñi considérer warul changer sama statut bobu moy jam le statut de serviteur voilà et que voilà ce serviteur là manam dafa wara jouer voilà cette servitude là daf ko wara incarner légui mune wa min al gharib bokku na ci yitum rank an yartabit ak ci mut moy ni dafa lekkale al fathu ala al qulub ci xol yi bi amakirin ci ay beurep mo ayyana yu ñu ragne fa minhum amna ci ñom ño xamantene man fa minhum amna ci ñom man ño xamne wala ko xamne yuftahu defna ubil defna ko ubbi alayhi ci mom bi makana ci beurep duna khayrihi wolif benen beurep manam lool moy lan ah moy fathu moy ouverture spirituelle wala illumination wala ouverture spirituelle ay buntu la yo xamanteni dañu teju won ci nit ki parce que dafa am ay rideau yu nekkon ci digeuntem ak réalité bobu yalla genné dindi rideau bi mu jakarlo bir mini mu nekk ci deug lool moy fat voilà ni mu amé ci domaine ni mu amé ci domaine lan aduna par exemple manam nit da ngay gis ko xamantene bi muy judd amul ben xal amul connaissance ben connaissance amuko papa ma yayam dal la am jeexna mais bi muy mag limuy gën di mag da ngay gis muy am ñu muy xam am ñukoy xam donc relation muy am ay relation donc lolu fatxo la manam amna ouverture ci ay relation muy am ay conquête voilà c'est des ouvertures conquête voilà victoire voilà lolu moy fat donc dakoy am ci ay relation manam di am di gagner confiance ki et cetera yoy lolu moy fatxo la ci domaine bob buñ jëlé benen domaine moy nit ki bi mi judd xamul won dara wala amul won dara amul alal amul dara mais lu muy gën di dem muy jéki nan li dé mako mom wa yéré bi dé yimassol mako mom mu jéki dal ni damay jënd ay dal yu bess ay tik wala yor ha légui dal ni dal li dé mako mom wala jéki di am li lén lu né mako mom gis nga muy jéki ba daal di am manam jéki nak aw yalla defal ko fatxu nak mu daal di am nak légi mu am alal jo xamanteni nak entreprise bo xamne nak day marché mais nak maintenant après alalam fan lay yom lolou batay du ko xam parce que fatxu bi day gën di yok tout temps mais amna légui stabilité bo xamanteni légui nak mën na gérer manam mom seul indépendant amna autonomie une certaine autonomie financière bo xamanteni maintenant nak mën na gérer ay mbiru bopam voilà légui nak après nak ci lolou yep lan lay jour lolou après lay continuer mais amna seuil bo xamne à part de ce bobu légui amna autonomie amna sécurité financière voilà bo xamantene amna ko lolou amna fatxu légui ci domaine bobu légui mom amna fatxu voilà légui dañ nan ci walu alal mom wala am mom légui diw amna ci fatxu voilà jeex voilà voilà moy amna sécurité financière autonomie financière amna ko affaire am yaangi a marché légui le train est en marche kagn lay arrêter lolou mom xamuko lolou motax nit ki tamit même spirituellement bu amé fatxu du xam kagn lay jeex ha day am fatxu rek mais après fatxu yi ci tegu après day ñew rek ça dire que en perpétuel illumination lay nek ak ouverture tout temps day continuer di découvrir ay garam tout temps day dëkk day dem fatxu ci lan voilà légui buñu jëlé benen exemple ci walu fatxu manam batay pour ñu comprendre notion bi lan la dem dafa melni voilà ñu di jott légui xamna buñu jullé paré inshallah bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd wa kon ni amon ci walu manam fathu yi ak prof voilà ci exemple fathu manam exemple biñ joxe sank ci walu am ni di nga gis ne leg cheminement la manam c'est à dire que nit ki du xey rek nek manam rek am affaire am yi di dox nonou non les affaires marchent comme ça du non manam dafa am tout temps ay procédure voilà day am fu muy jaar hein ba jekki voilà il faut que aussi xamul marché bi nan lay faral di dox surtout bu dé domaine commerce wala yu mel non wala même domaine bu meuna doona il faut mu am koulay xamal yoon bi nan la affaire bi ni la kat marché bi légui xam nga fi bo bëggé affaire yi dox fi ni ngay doxale et cetera et que aussi mom tamit muy def ay erreur bi jangi ci erreur yoy xamné voilà que ni d'accord bi passé bi la defon way nak légui xamna né ndekété affaire yi kat ku ci bëgg réussir ndekété ni ngay doxale manam muy jang légui di comprendre et cetera voilà am ci ben initiation bo xamantene day dem ba ben moment manam mom ci jëmm bopum day dal di mëna ubbi école pour jangalé affaire yi nan lay doxé voilà parce que au moins mom amna expérience de réussite amna expérience ba xamna ni mbir mi ni lay doxé voilà et que ni lañ koy gérer voilà alal ku ko bëgg ndékété ni lañuy wuté xaaliss voilà da ngay gis hein voilà motax même nit ñi ci mësa am ni même buñu daké ñom en fait mënuñu comme nit ñi ko mësa am manam ñom même bu ñaké xam nañu ni ñi défar ba amat voilà c'est voilà ken du len jangal nan lay voilà comme li señ sey waxal xaaliss mom say ken du ma jangal mi jëwute wutal sa marché di rek ci marché bi dana jar nak wala di jar après ko yalla ko yor waye wa bo ko ci tege na ah d'accord lolou am jangat la wax na voilà ala kulli halin légui kon ben domaine la mu dess comme par exemple du batay exemple ki fatou ni moy xam xam am jang da n'importe quel domaine nak dañuy gis ne am jang leg bon nit ki naturellement yalla yombalal ko manam mu nek ko xamne lu mu jang da koy gawa xam da koy yombu et puis mais bu ci deful sérieux bi du jallu quoi voilà parfois tamit yalla yombalal ko affaire bi mu ki et puis mu def ci sérieux bi yalla yombalal ko yenn ki mais du matière yep dina am matière yo xamantene parfois su ci deful sérieux affaire bi du jall parce que en fait il faut que nga gis mu concentré nak mu ne bi pa nak li mom dafa laj effort supplémentaire voilà nga gis mu concentré wu ci def effort supplémentaire def ki et cetera pour voilà légui nak mais c'est à dire que le fait que mu jang ben matière jang ñaari matière et cetera am moyen ki wala yoy jall ben classe lool rek def ko borom xam en fait ci domaine précis bi lay wax def ko borom xam mais am nu fat xok ci lool amna ben ouverture mais ouverture bu ndaw la non lay évoluer ba jek nak bañ nak légui nak mom tej na manam paré na nak légui manam ta lool moy fatkhul akbar bi manam légui voilà amna ouverture bu mag bi di gëna mag bi légui nak à part de ce moment là nak légui nak après xam xam mën na yok ci domaine bobu hein dans n'importe quel domaine nak non la démé manam da ngay voilà da ngay ci nek ndongo comme ni ko wolof yi wax do nek ndongo do don serignum wala dama nek ndongom ndank dem ba rek serigne bi maintenant mu am cadre figure bo xamne ñun ñepp dinañ ko xam manam cadre figure la bo xamne ñun ñepp dañ koy xam buñ ko waxe moy cadre figure puberté wala manam nit ki bu nekké xalé day nek xalé bu ñew daanuko indalawul ben capacité mais lu muy gën di mag da ngay gis muy commencer mëna yalla defal ko fatkhu ni par exemple muy xamé après mu jekki benen voile deñ mu kon moy fatkhu amat mu meun tok par exemple manam légui meun na juk tok avant meun ko won ni légui amna fatkhu bi ñew na tok mu jekki commencé meun ram lol tam benen fatkhu ñew na ndax légui évoluer wat na mu amat benen fatkhu mu commencé dox wala mu commencé mën taxaw jafandiko jeki jeki rek ñu gis parfois da ngay gis étape yo xamantene ñenn ñi ci xalé yi dañuy brûler yenn étape parce que lool domaine bu nekk tamit non la demé fatxo bi tamit non la demé manam même le domaine spirituel non la lay lay nak nit ko xamné lay melni day romb ben étape mais rapidement mu melni dafa brûler étape bi voilà légui mu jeki jeki nga gis ko xamantene day da lay legui nga gis ko xamantene day am day jekki jekki commencer dox après bu commencer dox lol tam benen fatkhu la bu ñew mais fofu dafa am événement yu fa xew xana non xalé yu ben événement la mais motax mo laj dafa am ay événement voilà légui tamit nga gis ko xamantene manam xalé bi day jek jek am benen patroni commencé wax commencé langage am commencé lèr muy commencé wax au début nak langage bi du lèr trop mais mu jek jek langage am lèr wala mu jek jek nak commencé ko jangal wala muy commencé xam ñukoy wax yenn affaire yi et cetera yenn yu bari mu koy meunal bopam yoyep ay fatxalo muy jek jek di meuna dox par exemple leen nga gis xalé bo xamantene ay da am ben niveau bo xamne du meuna gum par exemple mom rek dem par exemple djel bus bi dem ben beurep sangam par exemple munuko il faut que ñu gungé ko parce que fatxom yeggul fofu mais bu démé ba fatxom yegg fofu da ngay gis day jek jek rek ñu wax xamna ni légui meuna djel bus bi demal bopam delu sir bopam xamé na yoon yi légui voilà lele non lay demé nak manam fatxu après fatxu fatxu après fatxu fatxu après fatxu ba bu mag bi ñew moy mu dem nak ba am puberté bu amé puberté nak bu dék day déclencher day jék jék rek ben jour mu déclencher puberté dik na su diké nak lool moy bu mag bi manam légui nak goor la voilà légui dañ nan goor la wala ñu ni jigen la légui matna mais nak ak ngoram ak um jigenem yamul fofu manam mën na évoluer lé évoluer affaire yep non la démé spirituellement tam non la démé manam nit ki dé évoluer nank di jaar ci ay étape ba jéki jéki nak bu mag bi dik tay voilà bu diké nak après nak légui ubbé ko bi amna légui nak lool lay wax mé lég lég li gëna tum nanké moy yalla dafa moñé xol yi no xamné ça dit que dafa modéliser wala voilà modéliser forme manam forme xol yi spirituellement ci anam go xamantene lég lég nit ci day amé fatxu bobu daf koy mëna amé place sangam té benen place bu mëna nek budul bobu du am du ko am lol lay wax non muna yaqulu waxna ahadul arifina ken ci ni way nandite yi muna arif billahi marartu romna bi masjidin ci jakka fa qultu mani usalli dum fuy julli damay julli fi ci jakka jojja rakkat ay di ñaari rakka fa wajattu ma daldi daj xalbi sama xol fa makastu ma daldi tok fi ci fofa sanatay ni ñaari at dama romb ben jakka ne dama fuy julli ñaari rakka kesse mais bima jull ma yek sama xol manam spirituellement nimu accroché wo ci yalla ci jamono do ci ma xamne place man ma tok ñaari at ma tok fa pour réaliser spirituellement pour am la véritable réalisation voilà wa qala waqna ahadum kenn ci ñom batay manam ci arif billahi marat romna ana man wa fi wa ana fek warat romna wa ana fekuna man fi tariqi ma ngi ci yoon ila baytullah haram ci baytullah haram bishab bin ci goné bo xamantene yusalli ma ngay julli taxta samuratin ci ronu na ngeen koy tudde garab yu ngand yoy xay am xay xama xay xay wala ci ronu xay ci sahara ci sara ci desert bi nena fa qultu man ko hal la zahabta ndax do dem ila baytullah al-haram ci baytullah al-haram mais yow li gëna yomb fi ngay tok di julli kay mais demal ci kaaba gi nga julle fa xana xamul ngeenel yu mag yi ci nek nangum nangam fa qala munako kuntu nekon na zahiban di dem ilayhi jëm ci kaaba gi munzu boba ak legi amna ashra sinina fukki at boba ak legi fukki at dama don dem mana kaaba ga la djumun en fait waya wa marat romna fa sallaytu ma daari julli taxta ade samarat ci rono xaywi fa wajattu ma daadi daj xalbi sama xol manam ma yek ni xam nga lool la c'est à dire que day am ay moments spirituels yo xamne sa xol da ngay melni comme si dang koy meuna tey saisir ko di yek ni manam diko yek di yek nimu libérer nimu amé ben liberté ci yow ni nga meuna amé maîtrise ci diko fonctionner lo ci muy aju ci yalla ak diko sikarlo ak diko def lo li nga bëgg def manam day mel dang koy daj lool nak lay wax mune légui ma daj affaire bobu e neena bama dajé neena fa makastu ma dadi tok ma dadi sax taxta ha ci ronam hatta afkiru mangi xor dal ba kéro rek ndété mama ma ñak ko manam kon mangi fi pour le moment ba buma bima démé ba yëgatu mako ma do continue sama yow lolu tax ay moment privilégié nga xamné dang koy saisir voilà occasion la yu à ne pas manquer en fait faut les saisir. Voilà. Moment bu mel non bu nangou kenn distraire la. Bu nangou bu ko nangou de. Parce que ay moment la yo xamantene boko xamou kagn ngoy amat su fekenteene perte ngom. Donc il faut en profiter pour def pour obtenir une réalisation spirituelle. Voilà. Lolou mom motax nak c'est que lolou motax yoonu yalla ku ci nek dafa am lo xamantene dafa déterminant yow. Dafa fondamental voilà ci yow. Moy fulla ak fayda ñaar yoy dañu déterminant fulla ak fayda dañu déterminant ñaar yoy soko amul rek n'importe qui mën na la jël entraîner la ci n'importe quoi voilà et que parce que tout simplement da ngay xol considération tel wala tel wala nan lañ koy gissé wala lo japp wala say bëgg bëgg say banex seen banex ngay tok en fait au profit wu ben moment de buñu contante yow jeex na motax moment bobu bok xé ba am bu ko nango perte saisir ko et que nga persévérer té lool ñun yaakar na ñun ñëpp xam nañ ci dara c'est-à-dire day am moment yo xam té nit ki day yegg né moment yi mom spirituellement affaire non moment bi mom ça va c'est-à-dire que mën na hein mën nako saisir pour en fait bu resté ci xal bi mom bu ci yagge mom dana bax mais nak da ngay gis né moment bi du yag en fait day dem ak dik mais bu ci nekké ne profito maximiser ay chance am ci moment bu voilà munaw min al ajab amna lenen lu kemané wa min al ajab bok na ci kemané al ajab yu gëna kemané sax ay dan batay amna benen affaire moy antuftara manam mi ngi wax batay ci xol ci internet bobu parce que xam nga bo xolé batay ci fan lañ toll al aqlu sami moy xel mu reuy mom nga xam tane moy xol en fait ci lañ toll c'est à dire que intellect la c'est un intellect bo xamne ci xol la ne en fait xol la mom moy réfléchir mom moy daj mbir yi nga xamantene ñom ñoy yi am solo yi ak sentiment yi ak ci aju en fait motax xol mom moy am kashf moy am fatkh tamit xol moko am moy am fatkh moy am kashf voilà fatkh moy ouverture bob illumination spirituelle bob et que kashf voilà ouverture une victoire voilà spirituelle et que kashf moy wunñeku moy dévoilement c'est-à-dire que ay voile yu doxone ci digënté ak ay réalité ay mbir ay xataay yu sax sa voile yoy deñ nga diko remarquer li nga gis ko mu nek lo xamantene dang koy xam xam bu baax mais lool likoy dac ci nit moy lan moy xolam c'est-à-dire que cet intellect intellect premier intellect suprême bob mokoy dac ci nit wala manam kashfu bi nekul kom ñu bari ñu ko yaakar moy kom ni di tok bu nit ki di xalaté nga xam limi wax nga xam limi xalaat boko bu bo ay di deg yo xamantene nit kuy waxe Istanbul nga deg limi wax nga tok par exemple ni suba nangam dana xew lolu ak dévoilement dañu wut lolu ce n'est qu'une forme de dévoilement et que forme bobu forme la bu minimum bu ndaw ci côté dévoilement dévoilement moy lepp lu la yir par rapport ak ben affaire nga gis ko voilà sank juste avant ñu tambali gis nga ndox mi dafa nekkon fi fini man gisumako parce que hein mur bi mo fi nekkon ma di wër ndox mi mais pourtant yeen ñi ci dess yeen ñep yeen nga ko doon gis parce que lan motax parce que voile bi nek sama digënté ak man ma gis ko pourtant man la gëna djégé voile bi nek sama digënté ak man ma gis ko nekul seen digënté ak yeen ngeen gis ko na lool rek la maintenant dévoilement bob moy lever voile bob le fait que le soulèvement ou le lever de ce voile lool rek moy dévoilement moy kaf manam moy ay réalité la ay mbir la yo xamantene yu aju ci walu yalla yo xamantene nit ki suko comprendre day tax spiritualité mu développer wu et que mu comprendre ko accès ci compréhension bobu lool moy développement c'est-à-dire que voile bi doxone ci digentim ak compréhension bu leer bobu moy développement lool mom motax le maître spirituel wala guide manam serigne bi bok na ci lim lay jariñ nim lay jariñe motax mu am ay voix yu muy jaar pour dévoilement bobu réaliser wu ci talibé bi mën nako jaarale motax amna ño xamantene duñu joxe mukk ben werd duñu joxe mukk ben sikkar dañ lay jangal kess dañ lay jangal rek mais jangal yiñ lay jangal mom moy indi dévoilement bobu c'est-à-dire que buñ lay expliquer réalité yi moy tax légui sa xel réalité en fait mi ngi won ci yow compréhension bi mais sauf que dafa en fait dafa amone ay voile yu doxal fa digënté donc chaque séance ay voile ñoo yëkkitiko ay rideau ñoo yëkkitiko ngay jàkkarlok ay réalité légui c'est à dire que parce que accès aux réalités yoy mi ngi ñew ngay comprendre réalité lolu ben façon la amna benen façon mom moy comportement c'est à dire que mom dafa am comportement bo xamné chaque moment de rencontre wala chaque bouk gisé muy doxal rek amna ben voile buy deñ de telle sorte que da ngay xamné en ndekete ni lañ wara doxale ni lañ wara waxé ni lañ wara kiwé ndekete ci kenn duko doxale ni ndekete kenn wala lolu benen façon la am ñoo xamantene ay parole de sagesse rek lañ am c'est-à-dire que de temps en temps ñu sanni la ben parole de sagesse bo xamantene boku retenirer day waral ci yow nga mëna am une vision plus large des choses et une compréhension plus précise ci mbir yi nga retenir lool am na ñoo xamantene tamit ci téggini ñi amé ak manam ak yiñ lay inculquer ci ngay amé lool am ñoo xamantene ci zikkar yi ñu lay jox ci lay am ay leer yu yek yu wacc ci sa xol nga koy yek mais bobu en fait di nga am yek gi leer gi ak yoy dina wacc mais su andul ak xam xam bi du effet deug bi mu wara am parfois mën nako baña am donc yoy yep ay façon la yoy yep ay façon la amna nak ño xamne dañ bolé yep c'est vrai que dañu bolé côté yep voilà dañuy doxale ni ñi doxale ni di doxale ni di doxale ni di doxale ni ce qui fait que ñooñu nonu ñom dañ lay propulser voilà c'est à dire que ñoñu nga and ak ñom ben at par exemple chemin bi ngay parcourir ci at bobu ni ay dizaines d'années da ngay dund ay décennies yo xamantene ben at do ngay and ak ku mel non mais mu melni en fait ces décennies yé tékiul dara voilà yoy yep ay ki la motax devant toute chose manam ci kanamu lepp ci kanamu yep yep mbir réalité manam kashfu bobu mën na am chaque occasion kashfu bobu mën na am dévoilement bobu mën na am voilà maintenant parce que voilà parce que dévoilement bi lolou rek moy nga intellect bobu intellect suprême bobu nga aiguiser ko voilà nga aiguiser ko voilà motax leg ngay wax manam nit ki di meuna wax ben affaire bo xamné kenen day ñew gis né lolou c'est am en fait mom gisul en fait gisul ndariñ gi quoi wala gisul importance wala ke gisul ne lolou mën na ne parce que tout simplement mom voile bi dafa dess ci bop bi ba ci mom beutem yi batay manam beutu xol yi mënul gis réalité bobu mënu ko comprendre deng lolou amune legui nak bok na ci geureu ke mané yu magga moy antuf tara moy ci ñu moñ qulubal arifin khulu arif billahi min hadhihi ummati ci bile xet ala qulubi ci xolu man ñi nga xamne sabaxaw ñoo leen jitu won min al anbiya ci yenente amadou wo no viens voilà mets toi là voilà c'est bien gore way wala ay deng kon ñen ñi ci arif billahi yalla da fay moñ seen xol ci xolu yenn yenenti ya alayhi salam yu jitu faqad ndax deug deug sax wirna an rasulullah tuké ci dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam annahu qala da fa waxne al abdal al abdal ay xet walu yoyu lañ mu terno falé waxut bu jola deng neena al abdal fi hadhihi al ummati ci bi la xet salasuna fan wer lañu mais man bëggon na xam lan mo xew fof Ça doit être quand même important parce que. Hein? Voilà. Deng, kon al abdalu moy abdali. Voilà. Moy dañ len di wax suppléant, sont les suppléants. Fi hadi ummati jibilay khayt salasuna fadwer lañ mislu ñun melni ibrahima mam ibrahima khalilur rahman di kharatu aju fek del di jeruma de azza wa jalla magna tedna manam comme xol mam ibrahima lañ yor alayhi salam kullama sa yo xamantene mata genna aduna rajulun ben way abdala dana wutu al wutale allah bur yalla tabaraka tudna mak barkem wa taala ak kawem makanahu berubum rajulan benen way wala hadith bobu ci note de barre page mu ngi nan rawa solo nako ahmad imam ahmad ibn hanbal fi musnad ci musnadam an ubadah ibn samit sahaba bobu moko solo ubadah ibn samit radiyallahu anhu wa sahaba o tewer nako as-suyuti imam suyuti rahmatullahi alayhi wiral nako wa qala laysa min hal sam al-hafiz al-haythami moy nan nan la tuddu nan la al-hafiz al-haythami nan la tuddu ah Ahmad ibn ibnu hajar ibnu hajar ah mora ñaar ibnu hajar ñu am voilà hafiz ibnu hajar ñaar lañ voilà kenn ki moy nan al asqalani ki ci res moy al haytami voilà lima yahya waxal nena mais j'ai vu même quelqu'un écrire al hafiz ibnu hajar al asqalani al haytami ah lol moy ko wa ko dina mutafiq wal muftariq en fait dafa am ci hadith bi ni tudé non xam al muttafiq wal muftariq moy ño xamné dañuy deppo ci ben côté mais am fuñu wuté wala ñom ñaan ñep ahmad ibn hajar lañ tudd ki suf ka al asqalani la ki al haytami la bokku ñu sax période deng kon al hafid al haytami neena lan rijalu manam goor yi nek ci hadith bi moy ci majma' az-zawaid moy rijalu ay goor manam ñi nek ci hadith bi niko solo rijalu sahih moy goor yi nek ci hadith bu wer ghayra suf bamu dess kan wala manam sahih manam ci sahih moy sahih wala moy sahih wala ñu nek ci sahih muna ghayra abdul wahid ibn qais abdul wahid ibn qais rek ci dess mom dal mo nek ci chaîne de transmission bi ci isnad bi te bokul ci ñi nek ci sahih te kan muna waqad wa saqahu wiral nako al ajli wa abu zura ak abu zura ñom ñep wax nañ ni nit ku wor la de nga wabila kon mais yeen ñom liñuy topato non mais c'est que damay dégg fi di déggé fi aussi voilà aywa légui en fait hadith bi dafa am ñaar yi dafa am riwaya bu ñëk bi dafa ni ñaata lañ wax fanwer manam ñoom fanwer lañ comme ku génn aduna dina am kula remplacer mu am benen kaddu mu ne la yazalu wa bi lafzi amna ci kaddu la yazalu dañ 40 rajulan ñeen fukki goor min ummati ci sama xet qulubuhum seen xol ala qalbi ibrahim comme ci xoluk ma ibrahim assalam liko yalla moñe c'est à dire que daf ko moñe ci xolu ma ibrahim assalam yadfa dana jagne allah bi yalla bi mu ci ñom anel an ahli ardi wal ñooñu suufsi manam yalla nimu manam lepp lu dara dal ci kaw wa suufsi à cause de ñom day tax lool du len dal yuqalu def na wax lawu mu ñel ne al abdal ñoo abdal lañ leen di tuddé qala rasulullah ndawal yalla la sallallahu alayhi wasallam ne innahum naka ñom de li wër bor moy la yudriku amuñu loolu manam maqama bobu amuñuñ ko bi salatin ci julli wala bi sawmin du tagen ci wor wala sadaqati du tagen ci saraxé c'est pas parce que dañu bari lu ñuy julli comme ñu bari fokk ñu bari dañu fokk né xéetu maqama yu mel non nit ki limi ngi koy am parce que dañu julli lu bari kok fokk fofu ñu ngi julli fokk fekk en fait du loolu lolu motax awliya yu magi ñu magni la lolu tax ngeumul len fréquenter ay ati at mën nga japp ne ku bax la mais jamais nga imaginer fan la tollu lutax parce que tout simplement do ko gis ci yow fi ngay natte affaire fi ngoy natte moy day fanane julli manam yow fofu ngay natte affaire do ko gis ci mom wal bok mën nga ko baña gis ci mom wala day wor tout le temps yow fofu ngay natte affaire bu ko ko jamm ko ci yalla bu mag la gis nga fofu tout gis nga tabaski ak qualité rek lay do wala jamm yalla wala wala foko fek day wor non koku c'est rare sax ni hein mu baña wor wala nga natte ko ci lu mel non nga ñew di xol gisso lolu tamit wala bok nga defene da war di nek ko xamantene mom day sarax rek tamit gisu lolu mel non wala manam yow semé yow fi ngay xol yépp wala nga foko fekk mi ngay kurusam wala mi ngay djukkem foko fekk mi ngay djukkem li durus yoy en fait yi yépp ay mbir yu bax la mais li nit ñi di rawanté ñu bëré bëri dañ fogg né manam fofu lañuy naté magga yu nit ak yu mel non yaakar né lool mom moy tax ñu mëna mesurer dimension spirituelle am maintenant amna ben affaire bu am amna ben affaire bu am amna ben affaire bu am mëne futa taxaw manam niveau spirituel yu kawé yi dafa am aussi un minimum dafa am un minimum manam mëno né nit ko xamantene tay da ngeen di tok tisbar dial ta akusan dial timis dial dugul julli non señ bi ngeen bëgg ma gëm lo né wa fi mu toll bu gara manam xobu garab bu naray wad sax da koy tagu señ bi bokku non señ bi il faut pas exagérer non plus voilà voilà voilà non il ne faut pas exagérer non plus ko xamantene fo voilà yi yalla di téré mom daf koy di def publiquement té normalement mom moko waron na téré mais mom daf koy def publiquement ñepp diko gis duko duñu wax né amul dara ci yalla loolu duñ ko wax parce que loolu dafa wax ju reuy la mais quand même manam yenn niveau yu kawé yi quand même mënuñu ko ko dañuy xam d'office que ni ki agu fofu voilà non loolu dañ koy xam d'office que ni ki nak yegul fofu ko xamantene ma xama bu ne mën nako woté wo mais fonkul le minimum ci nga xamne mom la yalla bëgg li yalla di diglé le minimum fonku nangam sunna la mom moy c'est ses derniers soucis parfois sax day rétane ku koy jëfël ak di ku ko keul non kokku mom sëriñ bi ay la yewel kokku mom mom mëne fouta manam kuñu gëm lo ne kokku ci ponkal yu magga maga mak la bok tamit ba nga gëm ko kokku après yow la yow kokku yow la concerné mais kokku bokku ci en fait dafa manta nek manam dafa mënta nek dans le sens pas que yalla mënu ko def pas dans ce sens mais que cheminement bi mo exiger lolu hiérarchie bi mo exiger lolu voilà tay fim tollu kuma beggul gem lo ne ma xam nga tay bo ñewé ne ma moy exemple na do buñu len amna ben jour nekkul 5h wax ci lu mel tay bo ñewé ne ma François Hollande président de la République française yone waaw mom la fekk sandaga muy yalwan c'est pas parce que mënta nek ci ne yalla mënuko mais c'est que aussi daf manam ñu mbir yi di doxé do voilà quoi mënta nek quoi voilà c'est dans le voilà mën nga ni mën fekk na François Hollande Dakar gis na quoi d'accord mais dama ko fekk sandaga muy yal war non koku voilà lolu c'est une aberration en fait voilà mbiri non la demé c'est à dire que dafa am yo xamantene manam il suffit que nga xam touti ci yoon bi cheminement bi nan lay demé nga comprendre que ni dafa am yo xamantene mënta né quoi wala mëno fekk mu wala legui gaay liñ lay bëgg gëmlo moy que ni waji wala ñi ni gis nga fi ñu yegg ci yalla xamoko sax tellement nangam ak nangam parce que tout simplement ñom samba wala ñom demba affaire bi nak du lool wala parce que mom lay saat domi modo wala mok ibra dan and lolou nak joxul kenn valeur manam tandis que ci walu yalla lolou amul dafa am ñaari mbir yo xamantene xamuñu dom amuñu bunu wa moy ak njurelu deret amuñu ko moy nubuwa ak wilaya prophétie ak sainteté amuñu maintenant nak nit ko xamantene ay wajurum dañu goor goorlu ci manam ay nitu yalla yu mag lay koko en fait dafa am chance bu maga mak pour meuna manam lool da ko yomb en fait sainteté bobu wilaya gogou da ko yomb mom il faut mu goor bu suñu goor goorlu touti rek day gis affaire yi ubbeku mu commencer avancer mais manam évolution bu fulgurante mu am ko bu kaw yomb il suffit que mu goor goorlu touti rek def ay ki effort voilà lolu yalla moko def non affaire bi da ko yom parce que mbir yi mi ngi ci deretam ba pare il suffit que mu activer ko rek mais suko sagane ba yak lolu parce que lolu tam day am sagane ko sagane di détruire affaire bi di ko détruire manam lu bon di dugg ci mom lu bon di dugg ci mom bay jaxaso mom lu bon di jaxaso mom ba ben moment day perte lolu da ngay gis ñu tok la wax heure du li jox mu jox julli dong day melni dañ ko yane batima manam ce niveau spirituel dong do ko atteindre rek parce que dafa tam tellement dafa tam di jaxase mbir mi ak wala lu baxul dugg ci et cetera lool mom motax ñoo ki il faut ñu éviter lool manam képp ku jaar ci yoonu yalla il faut nga am nit ñoo xamne dañ leen di éviter surtout ñi nga xamantene dañuy yëngatu ci ay mbir yo aduna yo xamantene boko leen jëm waaj musiciens yi politiciens yi et cetera manam ça ne veut pas dire que ni baxuñu man waxuma ne ñom non amuñu ay ñu non mais limay wax moy ci limi yëngu yow bo démé bok ak ñom ci yoya wala ngay and ak ñom dina fréquent dañ lay wal ci minu mel la voilà et si le milieu est corrompu voilà par contre musique bu mom baxul xam nañ lool mom jaru sax jaar wa de gauche à droite di jéma wax mom dafa xarab mais voilà liñ bëgg wax moy manam lima bëggono wax feulé rek moy c'est pas parce que modou musicien la que ni modou mom manam mom moy ki gëna yees ci aduna waxuma lool mais lamuy def mom dafa haram mom teep bu continuer ci nonu doxalign bobu mom non seulement day pervertir bopam mais day pervertir toute une société koku nak ku pervertir bopam pervertir société koku mëna nako tuddé wali té lolou ñu ci gis da ngay gis nit ko xamantene tellement milieu bob manam milieu nan lañ ko tuddé showbiz exactement manam mom dafa nek nit ko xamantene normalement vocation moy walu yalla mais né ci showbiz bi ba nga xamantene bu amé gam bu muy organiser kokou ne ci showbiz bi manam star bobu voilà mom lay inviter def ko inviter d'honneur wana ni xamna ko serigne yalla sam mais ce sont des réalités yo xamantene kenn mënu ko wéddi ñun ñep xam nañ limay wax voilà comme ni wolof yox lu défang kenn du ko jéx voilà yalla nañu yalla sam donc lool la c'est à dire que lool mom buñ jarul naxaté mais aussi nit ki du moment où c'est minimum mi ngi koy respecter et que mi ngi gor gorlu par contre là manam niveau spirituel mënoko nat rek ci nek par exemple du nafi lay lu bari du wor lu bari du non mënoko naté ci lool soko defé da ngay djoum mom lay wax né abdalé liñu am ci maqama non maqama bobu ñu am yalla mayu len ko parce que dañuy djulli lu bari parce que dañuy wor lu bari parce que dañuy lan saraxé lu bari qalu ñu nako ya rasulallah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fima ana fabima ana ti lan adrakuha lañ ko amé manam lan moy cause ba tax ñom ñu am lool mune bis saxa ci tabé dañu tabé dañu am générosité voilà dañu am générosité won nasihat ak laybir lil muslimin ñeul julit ñi laybir moy conseiller dañuy jox dañuy conseiller aussi avec sincérité julit ñi ñom ci lool lañ ko amé voilà donc amé wuñ ko comme ti naturellement niko ñu motax moy jikko ju rafet voilà tout simplement moy jikko ju rafet ci lañ ko amé voilà voilà daño tawé et que dañuy voilà conseil djulit ni conseil bu baax manam duñ len wor comme le hadith bi wax al mu'minuna nasaha wal munafiquna ghashasha way gëm yi djulit pire deug mom conseiller la c'est un bon conseiller un sincère conseiller nafiq nak mom day manam mom dalay wor en fait mom dalay wor jamais mu wax le deug limi xalat jamais mu wax le deug li sa ndari voilà hein voilà deng rawaw solo na hadith bi at-tabarani wa abu nu'aym te moy الأصبهاني في حليتي ثم حلية الأولياء عن ابن مسعود بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دونك كون لول موم موتاخ كون مون عبدالي كون في نك امنا اي بوين يو خامتاني مان نسولني بو تخي موي لان موي خولال حديث امو ديفرنس تي تي فيرسيون بن بي دافاني بيجي ناس نه 40 فوالا amna benen riwaya ci walu xam mu ne abdal bi sham lañ ne voilà sham moy actuel syrie palestine jordanie voilà legui en fait bo xolé lolu am moy ne bon la déjà jamono yentibi sallalahu alayhi wasallam ñom fofu lañ nekkoon 48 fof la nekkon et que selon époque yi dañuy évoluer lé lañu nek 40 personnes lé lañu nek 30 personnes comme dal non lañ mel non lañ wax les voilà suppléants hmm mëna voilà substitut voilà substitut aussi voilà parce que lan motax lutax ñu tuddé le nonu ñu parce que lutax al abdal ñu tuddé le abdal moy ay nit lañ ñoo xamé tane dañuy mëna soppéku dañuy mëna soppéku de telle sorte que ku leen gis day fogné même nit ki la gis manam day mëna dañuy wala et que kenn ku ci nek mëna taxaw taxawayu moromum tamit kenn ku ne mëna taxaw taxawayu moromum té dañuy mëna dupliquer wu quoi manam wala soppéku dem wala dem nek ki fe dem nek fe dem nek et que kou len gis du yakar ne ki ken ki même du même nit ki non seigne taala ngi ki gis na ko kenen ne lo seigne taala la gis dem ki ci def fek ñun ñoo togo na bokku defal yi wala kenn ku ci nek ne mom la gis fek même nit ki la ay effectivement même nit ki la mais bokku na ci li maqama bobu liñ ko amé moy né d'ailleurs mom moy imam ibn arabi radiyallahu anhu amna ben téré bu mbind ci sifatul abdal ci meloy wa abdali d'ailleurs mom le seigne bi cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu def résumé ci baytu yim nax ci haqqal bukaw dim nan arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun منها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات على دي لي تخ بونك دا baytul wilayati manam keuruk wilaya manam le tabernacle de la wilaya de la sainteté ñent pilier la am ñent pilier la am ñom ci lañ koy tabaxé voilà ñent la manam ku bëgg tabax wilaya ci ñent yoy ngukoy tabax mais wilaya gog muy wax du wilaya yépp moy abdal yi lay wax sen melo moy sumtun dañuy bari luñu nopi manam duñu bari wax buñuy wax dal lu bax la ni wax suñu paré ci wax lu bax dañuy nopi duñ fi nek ci kessew wax lu amul jariñ dugg ci ki kenn bu len voilà buñu waxé dal liñ wara wax ci lu bax suñu paré ci lañ wara wax lu bax après dañuy nopi dootu ñu comme li hadith bi wax rek man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khayran aw yasmut teki wul ne duñu wax du tout hein comme ni ko ñu bari fogg non mom day san du wax dafa nopi en fait parfois lolu ak cheytane la comme ni ngi ko gisse gissat ko parfois lolu ak cheytane la manam meloy cheytane la cheytane bi nga xamne dafa muuma comme ni yent bi wax cheytane bu muuma fuñu wara taxawale deug sa nopi gi tax ñu daanel deug lolu mu ne ko du ko mel non as-sakitu anil haqq shaytanun akhras ki nopi fuñu wara bu mu wara waxe han taxawal deug koku ab shaytan la bu muuma bulu donc lolu ben la benen bu ci dess moy ju'un tawilun moy xif gu yag wala xif gu yag mën matérialiser wu ci koor ci di wor par exemple di wor ñetti moy ayyamul birri le 13 le 14 le 13 le 14 ak le 15 de chaque mois mën matérialiser wu ci di wor par exemple al-khamisi ak al-jumu et cetera wala bok tout simplement nit ki baña bari lu muy manam di def dal bala muy lek xif te bu lekke mu baña dem ba sour yenn sour yi nga xamne mu jige han gemil lay noyé mam mu baña mel non voilà ak foko fek muy grignoté voilà deng lolu kon mom moy ko lolu ben façon kon xir dogla ba do ginnaw gi saharun moy di yewu guddigi manam veye manam lolu tamit manam nit ki lu mën na koy matérialiser par selon aussi programme beccëgam ay yoy parce que par exemple ab maçon mëno ni ko da ngay veye lol man tane mëno ni ko guddigi da ngay nafi lu guddigi yeb après bo xewé dem yannu birgi wala nga door marteau piqueur lolu voilà mais hein xif bi tamit non la comme li yeen liñ ko gissé won rek voilà ci rahmatu jani radhiyallahu li mo xone min ghayri ifratin wala tafriq manam moy baña eppal baña ki manam xif go xamantene monato def dara parce que da nga xif lolou xam nga ni kene waxuko waxuñu bobu xif ha voilà comme parce que ay terme la yo xamantene dafa am luñ ci dubbu buñ ko waxe manam istilah la istilah moy terminologie waxuñu ko et que yow nga comprendre ko niñ ko comprendre ci langage buñ ko waxe terminologie la manam bu ñëw nañu xif wa nit ab soufiane ke da lay xif wala nit ku bëgg yegg ci yalla tekki wul da nga war di nek nit ko xamne do lek dara manam ba nga xamantene da ngay mujju sawal voilà wala ab birik dong bi wala ab sac dong mëno ko téy ndax atta do to ko parce que da nga lompoñ parce que da voilà non waxuñu lolu aussi manam yeb dafa me dafa voilà dafa mesurer donc lool la manam do nek di lek tout temps sa bir bi fess lool mais aussi do nek ko xamantene manam xif bi daf lay lor d'ailleurs lool mom motax ñaan yi ngey gis mom ñaan yentou sallam muy muslu ci xif gogou manam xif gi ni muslu mo voilà parce que bu doon xif de manière générale rek motax ñuy wax kon xif duñ ci muslu voilà alquran di wax na alladhi at'amahum min ju'in wa amanu min khawf voilà etc. Donc diou ak gogum mais kon legui veye bi tamit non la demé manam waxu ñu le do comme né ndeysan du nelaw mais da ngay wéké ko gis nga amna ben mbokk mo xamantene lool da ko dalon yaaka na musna ko netal lool da ko dalon da don def su da don dem sandaga la dan liggéey tu wa su demé nek ci liggéey bi nangam ba bu ngon joté day ñew continuer dem day répéter ñu répéter bu fajar joté bu daal di jaaré non dem liggéey mais da ko def diko def bu benn moment mais dafa jek rek bobu wolbiti ko parce que nit da tamit nit en fait nit dafa am numu wara mel mais li ñi wax moy nelaw wudul bu bari wala guddigi yep amul benn moment bo ci réserver yalla ngir jaamu ko mo xam ci début bi la wala ci fin bi la wala ci digg bi la lolu mo bon voilà manam spirituellement lay wax mais lolu sax du farata bo xese julli sa gey rek yow sa lepp wacc na la gey mom boko julle mom lila yalla tegon wacc na la wa bo fajar rek mais yeneen yi ci dess tamit manam nga am lo ci def quand même ci digënté bi jaamoko borom bi subhanahu wa ta'ala lolu ci qiyam lay dugg ci qiyamul layl lay dugg deng donc bo gisé hadith bi lim wax motax hadith bi wouté wul ak wax ji ci dess manam wouté wuñu c'est pas parce que dañuy xif dañuy wor lu bari c'est pas parce que dañuy julli lu bari voilà légui mu dess beru gi a uzla wa uzlatun an shuyukhin bil isharat beru gi moy isolement voilà cela ne veut pas dire que tamit beru dafa am ci digënté bu mu nek bo xamantene dañ koy rechercher c'est à dire que beru gi moy motax mu ne an shuyukhin wa an shuyukhin mi meuna ñew moy bil isharat manam meuna ñew ci ñet ci ñent yépp mais meuna ñew tamit ci beru bi kessé manam moy yépp dang koy def ci ishara yi la sëriñ bi di defal manam nañ la del wor del julli del ki ni veyel lu tollu ni parce que pour nga modéliser pour nga harmoniser ko manam nga lan nan équilibrer voilà pour nga équilibrer voilà né la xif gi mom dé ci def nangam ak nangam voilà del boudé guddigi dé ci jaamu yalla nangam ak nangam après mu jeex boudé et cetera manam voilà deng benen bi ci dess moy kon beru gi moy lan moy bo nekk ak ay nit ñu bax mo gën nga beru mais beru mo gën di nekk ak nit ñu bon donc beru gi ñi wax isolement bobu moy vis-à-vis wu nit ñu baxul ni mais pas vis-à-vis wu nit ñu bax ni ko xamantene bo nekké mom da nga yok ci walu yalla té yow sax dang koy yek koku beru par rapport ak mom koku moy wacc wa moy baissé niveau voilà deng légui kon abdali kon mbir mi non la démé muna warada radna an ibn mas'ud ci ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu manam ko abdali en fait dañu am kon ay sièges yu précises ci diwanu salafé na ñom voilà moy 40 sièges yoy yo xamantene ñom seen groupe la mom néna mais am nañ ay kilifa yo xamantene set lañ ci seen kilifa voilà muna warada ratna ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulallahi naka nawli alayhi salatu wassalam qala nena innal leer wor moy lillahi nena bur yalla azza wa jalla ha magna tedna fil khalq ci minde salata mi'at ñetti témèr ño xamne qulubum sir khol ala qalbi adam mi ngi ci kaw man dañ ko tabaxé ci xolum mom adam alayhi salam lolou mi tekki moy ne sir khol man ci modelu mom adam alayhi salam lañ ko tabax lañ ko défaré modéliser mais aussi que xam xam ak leer yi nekkon ci mom adam alayhi salatu wassalam mom lañ disperser ci 300 personnes yoy deng donc ak xam xam yi mi andal découverte yi mu andal manam révélation yi mu andal leer yi mu andal réel yi haqaiq yi mu andal may yi mu andal et cetera walillahi tanena bur yalla fil khalq ci minna bi 40 ñenti ñen fukku qulubum yo xamne sen xol ya ala qalbi musa ñi ci xoluk mom yent yalla musa alayhi salatu wassalam gis nga han voilà ñele 300 ñoon ay nuqabaa lañ ñoo la nuqabaa mais voilà han wa manam yent yalla musa alayhi salatu wassalam ni xolam melon wa mom adam wa 300 lañ wala ño xamantene leer ak xam xam ak haqaiq moy realité yi ak may yi nekkon ci mom adam sallam ci walu leer ci yu mel non seen xol tamit loolu la ci yalla di wacce wala legi yent yalla musa alayhi sallam amna kon ñeen fuk alayhi sallam ñom ay nujabaa ulé manam kon yent mam adam sallam 300 ñom ay nuqabaa ulé mais am nañ ay sen chef yo xamné 12 lañ sen chef 12 lañ ñom sen caractéristique bokku na ci moy né moy 300 yi may wax moy buñu rombé fi nit buñu rombé ci benn mbedd ni ci mbedd gis nit deug tankam fenn bu ko téggé ba jall ñom suñu gisé tank bi buñu rombaté buñu gisaté nit ci fek musuñu ko gis dañuy xamné kama gisone tankam fele moy ki non la len yalla woné tamit manam empreinte nit ci ak yépp yu ci aju dañ koy xam non la len yalla woné tamit lepp lo xamantene dafa aju ci dundu nit ci buñu gisé nit pour la première fois dañu xam kañ la djuggu fan la jaar ndey mak bayam nuñ tut lan moy dundam kañ lay dé est ce que boudé day dem aljana wala sawar buñu jakarlo nit pour la première fois yépp dañ koy xam té ni ñu xamé iblis ni ngui gissé diko xam iblis sax xamé wuko bopam wala ñom 300 yoyu manam tout seul chef du 12 no xabaaw ba tay am nañ ngay tassé ñom di gisé ñop hein da ngi dem ba bu ngox bu ko gissati dañu xamne mom la fek musuñu ko won giss mais xamna ni pa bima gissone fele en fait ñoñu xéetu nit yalla lañu yéme parce que duñu en fait dañu am mémoire bo xamantene dafa illimité manam sen mémoire dafa illimité duñu faté voilà manam tout luñu ne la niko fat luñu ne la dañ ko faté rek du relatif luñu ne la dañ ko faté rek du relatif faté réalité le bu am suñu aduna bi wala faté réalité wu ba monde bi la aduna bi mais du réalité niveau bobu wala deng légui ñoo manam ñu yéme rek parce que wala wala manam ci niñu xamé yalla walu yalla et cetera nga xamné même iblis sax ñom ñoo gëna xam bopam wala et cetera ñoñu ñoo mais wala ñoñu tout temps té ku ci gën aduna comme niñ koy gissé dina am ko remplacer mais 300 lañ duñu yok luñu wañé ko légui nak 40 yi légui 40 yi ñom ñoy nu jabaaw yi mais amnañu 7 amna ñu 7 personnes yo xamné ñom ñoy seen chef walil khalq ñel na ci mindeef walilahi ñel na ci yalla fil khalq ci mindeef sabatun jurom ñaar ño xamné qulubum seen xol ala qalbi ibrahim ci xol mam ibrahim sallallahu alayhi wasallam gis nga gisoon nañ 40 30 waxna la né seen chef yi 7 la moy bi wala ñoom tamit ay xéetu walli yu yéme lañ ñu wala ñu wala niveau spirituel bu élevé lañ am ci bu yéme comme niñ la ko waxé sank manam capacité wu mëna multiplier wu bobu wala et que amna rôle yo xamantene gis nga ñoom ñoy tax yalla di jagnal nit ñi seen yenn problème yi wala yu mel non voilà ñom ñoy voilà ñoy gérer situation yoy walillahi ñel na ci yalla fil khalqi ci minde fi khamsatun jurom ño xamne qulubuhum seen xol ala qalbi jibril mi ci xolub jibril alayhi assalam manam manam sayyidina jibril assalam niñ ko defé manam 5 la ño xamantene ñom seen xol non la walillahi ñel na bur yalla fil khalq ti minna thalathatu ñet ño xamne qulubum seen xol ala qalbi mikael mi ci xolum mikael alayhi salam walillahi ñel na bur yalla fil qalbi ci aduna bi wahidun kenn qalbu xolum ala qalbi israfil moy xolum sayyidina israfil alayhi salam te kok moy kan moy qutbu zaman al ghaus moy ki gëna xam yalla ci kaw suuf moy nit ki nga xamantene yalla dako manam aduna bi mom ni mel ak aduna bi mom moy comme ni ruh mel ci yaram c'est à dire que nit ki ruh bi mom moy déterminer yaramu lepp en fait boudé xef bi boudé yëngatu parce que ruh nga fi bu karaw gi continuer di sax parce que ruh nga fi bu baram bi dé yëngatu parce que ruh nga fi boudé gis parce que ruh nga fi boudé dégg parce que ruh nga fi sou fi ruh nek dul do day daanu ñu né déna loolu lañu wax ñu yobu gasul mbir mi non la demé aduna bi yépp mom non la mel par rapport ak aduna bi moy khutbu zaman lepp lu tuké ci yalla bala mo jaar ci benen kum mëna doon ci univers bi ak ci lu mëna doon day jaar ci mom moy ki sédélé walu gogou moy ki nga xamanténé mo fi taxawal yenenbi sallallahu alayhi wasallam deug ko xamanténé la lepp lo xamanténé dafa déteindre c'est-à-dire que manam motax nit kokou xam ko rek le simple fait ki nga xam ko yalla gindi la ci nga xam ko lolou ouverture spirituelle la bo xamantene moy ci ouverture spirituelle moy bi gëna mak en fait parce que même ñi nga xamantene ñi ñu tuddu ñi ñuy walu yi ñu doon wax legui ñom même ñom dañuy nekk ak mom ci même lieu bi moy diwanu salihina hein diwanu salihina moy gharu hira fi yent sa sam recevoir révélation chaque goudi dañ fay tassé en fait ñom kenn ku ci nek ci ñom mënon na nek ni mu nek parce que en fait normalement parce que lo ki xol bu imposé wu moy normalement ñom ñep soxlo wuñu won di dajalo pour parce que ku nek comme ku ne da nga am son rôle té ñi nek fé duñu gis ñeneen ñi ci dess manam c'est-à-dire que 300 yi ni ñom mën nañu xamanté seen biir parfois sax duñu xamanté seen biir boudé parce que ñom ñep tolo wuñu niveau 300 la mais tolo wuñu niveau 40 yi non tolo wuñu niveau et cetera ké ku ci nek mën nga kenn ku ci nek mën nga gis manam comme do xam ñeneen ñi ci dess en fait motax ay cercle la non fofu nimu deme moy ay cercle daari ko dafa am cercle bo cercle 300 yi après cercle 40 yi après hein ñata 7 yi après 5 yi 3-1 voilà légui ci seen biir ci la manam ci ñu manam ci bo xolé 5 3 1 muy ñata 8 ci la amé 9 voilà légui bo bolé amna ñeneen ñent ño xamné ma fatikul kunuz la ñeen di tuddé ñoñu en fait bolé wuñu leen ci classement bi ci ay afraad lañ amnañ amna yeneen ñent tam ñoom ci afraad muy 8 voilà et que ci seen biir ñoo awtaat yi ci lañ bok manam imam yi moy khutbu yi moy 7 khutbu yi ci ñooñu lañ nek manam ci groupe bu restreint bobu lañ nek 5-3 manam ci groupe bu restreint bobu lañ nek 7 khutbu yi ak ma fatihul kunuz tamit après voilà et que manam kenn ki manam wakil dafa am ku ñuy wax wakil mom wala mutal sam dañ koy wax mutal sam tamit moy ki nga xamne moy délégué bi c'est à dire que lepp lu khutbu bi di wax ordre yi muy joxe mom la koy dox mom moy dox ordre li ñeena ñi ci def manam mom buy tok du tok manam du ñew ci biir concrètement mais ci buntu bi lay tok buntu raru voilà légui jakarlo ak kaaba gi ci ndey joram medina tout meuna wara nek manam ci womu ndey jor la et que ñi nga xamantene ñom ñoy wali manam mutal sambi tamit mom moy imam mom lañ wax ñaari imam yi manam imam droite bi voilà mom moy mutal sambi mom lañ wax tam sayful qutbi manam moy jasi qutbu bi mom lepp lo xamantene dafa aju ci walu univers ci kaw et cetera yoyu da koy xam mën na nak ignorer parfois yi nga xamantene ñom ñoy xew ci kaw suuf keneen ci res mom lepp luy xam xam bu aju ci suuf fi ni mom da koy xam moy imam benen imam gauche voilà qutbu bi mom lañ wax abdullah dan ko abdul rab moy mutasam ken moy imam droite imam gauche ñu koy wax abdul malik ay nit lañ ñoo xamné tous les jours dañu dajé nak lepp luy xew ci aduna bi ba ci aras ñom ñokoy déterminer ñokoy vote ñokoy wax waxtani ab assemblée la kenn ku ci nekk tamit dafa am rôle buñ lay jox ab dossier bo xamantene mom lañ lay confier mom nga wara jouer rôle bobu ci aduna bi nga xamné secret bi aju ci yoyu ci koku lay jaar amna ben jour ben kaal bi ñew ci cheikh abdass dabax radiyallahu anhu ne ko dafa am problème ak tribunal ci nangam juge mu ne ko demal ci diw lepp lu aju ci atté mom mo koy géré ci diwan mu dem wax ko ko motax dafa jabal rek mu régler problème bi ba ber waji dem tribunal dara fi ko ci lepp lu aju amna ci wali yu ño xamantene par exemple lu aju ci heure yi manam mom lañ ko dox lepp lu aju ci système bob am nañu wali yu wo xamantene lu aju ci climat bi temps bi mom lañ ko mom moko gérer amna walu yo xamanteni lepp lu aju ci walu alal am wursuk alal khalis ak yene yi mom moko gérer mais te pourtant li ci gëna yéne moy leg mën na nek sax nit ko xamne mom ci bokkum amul c'est pas parce que mënuko mais parce que xolam mo désintéressé wu ci aduna voilà nit ku nek place bobu nonou amna ay jigen ñu fa nek ño xamantene 47 lañ mais 47 lañ diwanu salchina amna tamit manam niveau la bo xamné niveau bu kawé la en fait fofu c'est l'élite de l'élite voilà khassatu khassa ñoo fay nek manam du buñ né ñoxal ndjar yi mëna jël wène waji doob di won affaire bi demé non dé non dafa laj une évolution spirituelle mais parfait bu jigi da parce que su doon lolou ñepp nga diwana amna tamit benen affaire parfois buy am moy leg leg diwan bi amna leg leg yenn lieu yo xamantene yenn rule yo xamantene chaise yo xamantene man parce que ay chaise la en fait ay voilà dafa am ay siège wa waaw mais comme genre ay pouf la ni yo xamantene voilà et puis comme ni cénacle bi manam cénacle bi comme ni assemblée nationale cénacle bu ni mel non la constitué wu et que siège bi dafa leg leg mu am nit ku génn aduna ci ñom et que kenn du ko remplacer automatiquement manam du ci sasi dañ koy remplacer pourquoi parce que tout simplement ci kaw souf amagul ku mel non ku wara mëna tok ci siège bobu mën na nek 30 leg leg mu nek 40 voilà mais que rôle bu nek amna kuñ koy jox rôle bu nek dañuy voilà ku nek limu waral jouer ci rôle dañ ko koy jox voilà minute comme genre ministère lañ maintenant légui dafa am ben question buy poser mais bu fekke mbir mi non la démé té xam nga ni 300 yi non ñom duñu gis 40 hein parce que 40 ñoo leen fété kaw lool mom motax ku bok ci 300 yi mëna tassé ku bok ci 40 yi té du xamné waji ci diwan salihina la bok mom du ko xam mom du ci xam dara day manam du koy gis wala ñu ki mu tok parce que lutax parce que koku da ko raw da nga fété kaw manam ñi la fété kaw do leen xam yow ñi la fété suuf ngay xam fofu non la dem parce que dafa am ay voile ay hijab kiray comme ñun ni manam sama masque te lay wax waxuma yeen ni ñu amé kiray bu dox suñu digënté ak ñom par exemple ak ñi nekk suñu kanam non la amé tamit ñom tamit seen biir non la amé kiray ci par rapport ak ñi nekk seen kanam ñi leen raw ba nga xamantene ba ci cercle juroom ñaar yi manam ba ci cercle juroom ñaari khutbu yi wa 47 wa amna 47 jigen voilà hein amna sénégalais no ko deug yo sakhirullah mais yeen meun ngeen gor gor lu bok ci ñoon ah mais affaire bi yalla mo koy maye du dara yalla lu yalla maye rek la ah non ku xess ba fatou mom ah non attention ku fa bokkon fatou du ñepp ño fay siège amna nak ño xamantene ci ñom dañuy genn aduna continuer di fa nek amna ñu genn aduna continuer di fa ñew di fa nek lool tamit amna di siège wala di fa ñew de temps en temps non day siège day continuer di siège day continuer di siège mais dañ koy wutal ben manam place bu muy occuper fofu bu spécifique hein wa wa nga ni siège vacant non mais ha président trop wa day gonne vacant non bagn en fait khutbu bi moy gérer lepp voilà voilà moi gérer situation moi gérer le voilà les yo et délégation de pouvoir là voilà les bonu amé leg mu amna tamit ci sen bir djuroom ñet manam moy mafatihul kunuzi ak ñeneen ñent afrad ño xamantene ñooñu en fait khutbu bi en fait makhama khutbaniya bi manam siège trône bobu kenn moko mëna yox manam ñaar mënu ñu ko yoron dox comme président de la république buñu xëssé ba def élection ba fal kenn mom fokk ñu xaarat rek xaar ba élection ñëwaat mais dina am nak ño xamantene moy mafatihul kunuzi manam afrad yi kon afrad ñom ay mafatihul kunuz am mafatihul kunuz bok ay afrad lañ donc afrad yi ñom en fait khutbu bi rawulen mais que ñom khutbu bi ci côté khilafa manam lepp lu laaj ci walu khilafa gi ak dig gérance aduna bi ak digënté yalla ak minde fi ak manam rôle bobu non manam mom mo len ci raw mais sauf que ñom tamit amna yenn mbir yo xamne ñom ñoko ci raw et que khutba bi amul autorité ci sen kaw d'ailleurs ñom buñu ñew ci diwan duñu ñew comme ni ñepp ñewé ñom dafa am benen buntu bo xamantene fa lañ leen di jaaral ñom fa voilà et que khutba bi gis leen rek la am fa la autorité mi yam ci ñom moy man leena gis xamne diw la ak diw ak diw ak diw jeex bu len nexé ñu absenté dara du len ci fekk ñeneñ ñam bu ñu téw oui obligé dañuy téw et que sen téway ñom ñep manam rôle bi kenn ku ci nekk am nga rôle spécifique bo jouer mais que sen téway ñom ñep limi jariñ moy né dafa am secret yo xamantene ak l'air yo xamantene pour mu meun dégager wu ci univers bi il faut que ñom ñep ñu dajalo manam lolu du exister que suñu dajalo wé ñom ñep ci ben place mais sinon kenn ku ci nek yow da nga yor sa rôle bop et que 300 ñom duñ xam 40 duñ xam 7 et cetera ce qui fait que khutba bi cercle bu restreint bop ci 7 personnes yoy 7 manam 7 khutba yi ak ki ci dess ñu dudu ak afrad yi ñom ñoo leen di xam ñom ñoy xam ni diw moy khutba zaman kudul ñom duñ ko xam duñ leen gis motax nit ki mën na bok ci diwan bi sax du xam kan moy khutba zaman motax nit ki bu démé ba mëna xamni ki moy khutba zaman c'est parce que vraiment il a un très haut niveau fofu et que ñom rek ñoy dégg tam souriyane ya sayyidna ali nak karamallahu wajhu mom moy interprète bi fofu manam moy interpréter langue bi jëlako ci arab bi mom ci souriyane bi pour traduire ñi ci dess traduire ñeneen ñi ci dess parce que souriyane lañuy laké moy langue ruhi langue xalé yi voilà langue voilà et cetera et que ñom mën nga tassé ci ñom manam mën nga sax bokk ak ñom kër nan lañ ko waxe santa nan dimanche voilà santa 4 dimanche do len xam do len sax soupçonné parce que tout simplement tek nañ voile bi kira gi sa digënté ak ñom do len mën parce que amul nuñ len di xamé wé luddul len xana len té lolou du ñëpp moy ñom dañu am langage bo xamné ñom dafa spécifique ci ñom ñu dafa am façon waxin bo xamné voilà ñom rek ko am parce que xam yi ñu amé ñom rek ko am dafa may xam yo xamantene aduna bi yépp ñom ñi ñoo xam moy les environ 356 manam bo ci bo rek khulafa ur rashidun ay say yantibi sallalahu alayhi wasallam sayyidat fatima sayyidat hasan ak husayn ñom ñoo xam donc le langage manam ak terminologie yi nga xamantene mom moy xam xam bobu manam li aju ci xam xamu xaraf yi lettres yi ak xam xam yi tourner autour xam xamu barzakh manam ilmu barzakh nak dublu won ci dinañ ci ñew inshallah ci suñu yexé ci al khayal inshallah ci lan lañ ci dublu voilà ak yu mel nonu ak ilmu misaq xam xamu misaq ko leure mam adam sallam ak manam et cetera voilà c'est à dire que ñom dañ ci am dañ ci manam dañ ci ay sans que dañ ko xam maîtriser ko yo ay xéet xam xam la yo xam ni kudul ñom mom no vraiment xamoo kudul ñom xamuko manam aduna bi yep ni mi fonctionnement bi yep yalla ci ñom lako manam ci ñom lako tek manam deug en toute vérité ça veut dire ñom ñoy assemblée bu yalla ça veut dire luñu nane assemblée nationale c'est l'assemblée de l'élite maintenant amna benen affaire bu am moy liñu wax hadara diwan salihin ak hadara yalla bi du ben wa ahlu diwan tu ahlu hadara lañ bok mais dañ leen di tuddé wa ahlu diwan dañ leen di tuddé tamit rijalul ghaibi parce que tout simplement ñom buñu déplacer wu do leen gis suñu déplacer do len gis et que chaque instant ku génn aduna dina am kenen ko la remplacer ñom non lañu maintenant dina am ay nit ñoo xamantene nombre de personnes spécifiques tant de personnes groupe lañ bo xamantene ñoñu ñoñu ñom ñoñu ñom ñoy ñom lañuy ñom ñoo lañu ñëk tek élire leen manam tek leen pour après ñom ñu ñu di leen préparer c'est à dire que ñuy xaar en attendant manam place bu vacant pour ñom ñu indi leen ñu bok leg leg nak ci bir personne yoy manam nombre de personnes délimitées bobu parce que nombre de personnes la bu délimité bu précise dañ ci jël kenn indiko ci manam kenn indiko ci diwan bi ce qui fait que comme nombre bobu mo gëna bari à peu près 5 fois voilà même plus non 10 11 11 12 fois de plus même que wa diwan bi donc nombre de personnes bobu leg leg gis nga ni aduna mën manam dundu bi nit di dundu ci aduna yagul yagway go xamne ñepp dal mësa dug ce qui fait hein mën nga nek turiste d'attendre bi pendant toute ta vie do mësa dug waaw déjà nek turiste d'attendre bi c'est voilà espoir la amna sax ño xamantene duñ jaar ci case liste d'attente bobu ñom dañuy joggé ci coma bi rek yalla defal leen gëna rek atta ñu wacc bëgg ci biir voilà am ñu at mu leen d'office par dara voilà par sans ñu jaar ci yenn condition wala dara par décret voilà amna nak ño xamantene aussi buñuy jaar ci diwan bi en fait diwan bi nit ki bu ci xasse ba dugg ci 300 lay jëkka dem manam du ñew rek nek premier day ci liste ci 300 lay jëkka jaar dañ lay yobbu dañ la koy wax wa da ngay jek un jour ñu ñew ne la manam ñom buñu ñew dañuy ñew ne la ak dañuy déplacer ñew ne la voilà légui maintenant dañ lay élire dañ lay voilà nominer lay pour nga bok ci diwan salhena parce sangam nga fay dugg bo duggé nak premier jour so ñewé liñ lay ñëk jangal moy dañ nan la ah ça va gis nga fi nga ni wax ñena la ça va fais attention amna ay secret yo xamantene waro ko dévoiler faut nga garde ko ngéné wa non mais ñoñ fofu c'est une fofu compétition la voilà non wa da ngay paré voilà té ko so ñëwé xara première chose bi nga xamné mom moy ñëk établir dañ nan le secret yi amna nangam secret la yo xamantene na yam suñu bir et que bokoy transmettre kenen ni nga koy transmettre c'est à dire que quel que soit un secret donné sokoy transmettre ni nga koy def nga xam nan lañuy transmettre secret ñu le secret bi aussi ni lañ koy téyé ñu jangal lako nga xamé ko ñu la par contre amna danger bu mag bu nekk ci nga transmettre ko koko warul transmettre kuko yelowul c'est à dire qu'il faut que réceptacle wala récipiendaire bi adapté ci lool faut mu apte pour meuna recevoir affaire bi nga ni d'accord ñu dal lay ubbil caisse gog manam jama ay voilà caisse secret gog ne la affaire yaangi ni voilà dal la koy jangal ak yoy voilà ñu xamal la tamit danger yu graw yu nekk ci le fait que nga wara nga manam boko jangal bo genné ba waxtane ko dans une graw yi la ci fekk parce que dafa am ay secret yo xamantene même xawfu bi ci bopam manam ku bu zaman bi ci bopam nga xamne moy chef ñep suko divulguer suko waxe mom ci bopam day risque ñu manam trônam bogu ñu mu perte ko wa ñu destituer ko mom ci bopam da koy risque moy secret dina voilà amna secret yo xamne voilà et que rule manam bo yeggé fenn niveau spirituel bobu nga yegg moy tax ñu nominer la fofu day wa am ay ki yu wacc ci ñoo ci yow en fait day am ay xéti lèr yu wacc ci yow mais aussi day am ay xéti rilu yu levé wu mom ay touru yalla yu lay xamal yo xamantene buñ ko bind fenn jamais ñu bind ko fenn la min tamit du ko tuddu mukk ci xollu nit ki rek lay nekk manam ki nekk ci niveau spirituel bobu touru yalla bobu day wacc ci xolam mu xam ko mu jeex nu ko tudde ak lamino du ko voilà et cetera voilà maintenant nak ñooñu nonu manam mën nga afradi par exemple afradi amna ño xamantene par exemple buñu joggé ci manam ñom dañuy buñu joggé ci case manam case moy fan moy liste de santé bi dañ leen di jël directement yobul leen au lieu ñu jaar la leen ci 300 dañ leen di jël directement wacc leen ci khutba bi ñu nek khutba wala ñu jël leen rek wacc leen ñu nek bok ci afraad yi ben yoon une bonne fois manam fekk musu ñu jaar ci cheminement benen bi ci dess yépp lool tamit day am am voilà et cetera am ñoo xamne dañuy ñew directement bok ci abdal yi quoi ñew rek directement voilà et cetera tout ça am ñoo xamne mo donc c'est à dire que yoy yeb en fait du règle bu figé bo xamantene kenn manam contraire bi mën ta ki mën ta am inverse bi mën ta am mais que li moy règle générale voilà non khutba bi mën ta nek jigen en fait lolou liko waral sayyidat fatima dal alayha salam moko mossa nek mais li tax munta nek jigen moy dafa am ay realité yo xamné c'est à dire que dafa am période c'est à dire que khutba bi il faut mu nek nit ko xamantene spirituellement day deugur deugray bo xamné tout le temps mi ngi ci xéetu jaamu yalla ci anam bi mu gëna maté tout le temps parce que sou négligent wé ci perfection bobu ne serait-ce que une fraction de tierce aduna bi yépp day annulé wu c'est-à-dire que inexistante lay mujjé nek parce que mom la yalla yenn responsabilité wo c'est-à-dire que moy ruhu aduna bi et que lolu non pour mu meun ko matal deug il faut pas que par exemple li dal jigen ni comme par exemple mu gisse sen bax yi wala buñ amé dom ak yu mel non di len diko dal donc ce qui fait que concevoir c'est à dire que mi yalla bindé jigen motax lolu non du meun accéder ci niveau bobu parce que day am période yo xamantene voilà exactement day off quoi voilà maintenant nak yone bobu ku nek meun na ci c'est à dire que la voie est ouverte voilà la voie est ouverte voilà autoroute bañu ni autoroute la buy mené fofu et que autoroute la bo xamantene voie dafa infini yoral sa auto def ci sa gasoil bu doy te nango daw voilà la voie est ouverte mais il faut accepter de compétir et s'imposer une conduite particulière. Dire. Mais sinon la voie est ouverte. Voilà. Hein? Ah. Amen. voilà c'est à dire que voie bi la ñom manam lolu moy voie bi moy yoon bi voilà allah allah moy yoon bi allah allah allah allah jeexna voilà moy yoon bi manam moy yalla pour nga bok ci ñom il faut nga xam yoon bi lan la en fait yoon bi moy il faut que sa xol nga genn ci lepp lo xamantene ay xéetu mbagnel la ay soxor ay iñaan ay reuy ay yu mel non yépp il faut nga genné ko sa xol baña nek ko xamné manam buñ wutal manam en buñ ko wutal place ci sa xol mbeugël rek na nek ci sa xol al mahabba bëgg voilà tarikh ak non la ko faciliter moy yoon bi parce que fofu en fait dawla tidjaniya la manam luñu wax république tidjanit la en fait diwanu salihin parce que tidjani ñofo majoritaire maintenant ñofo majoritaire en nombre mais teki wul ne bo len jele en majorité tidiane ñu fop teki wul lool c'est à dire que manam lima bëgg wax moy sur les 366 tidiane 40 lañ 40 sur les 366 sont majoritaires parce que 366 nga jël ci 40 manam moy ñi ci dess ñoo sédoli ci dess voilà et que dafa parce que dafa am numu démé c'est une comme genre république c'est-à-dire que duñu jël né et Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu mom moy recruteur bi en fait diwanu salihin wa président il est toujours Tidiane lutax depuis Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu nek fa manam khutbu zaman tidiane lay meuna nek lutax moy ngir mu meuna parce que comme moy tok ci siège bi te lepp luy bëb ci univers bi bala muy meuna yegg ci keneen bu joggé ci yent ci alif sarsan ci rahmat tidiane lay jaar radhiyallahu anhu donc il faut te khutbu bi mom moy taxaw taxaway bobu donc il faut mu meun gérer il faut mu meun djel faydu yi nek ci sirah tidiane yi radhiyallahu anhu recevoir ko de manière parfaite pour mën ko redistribuer au niveau de tout particule dans l'univers xam nga lool la il faut donc mu meun def lool lool mom motax maintenant yenen afrad yi mën nañ baña nek tidiane ñom ñep mën nañ baña nek tidiane yenen afrad yi moy les 8 voilà machallah alhamdulillah deng kon en fait fofu ki la bo xamné donc voilà voilà deng kon en fait lolou mom motax ci bir groupe bobu nonou moy groupe case de pré-sélection bi voilà pré-sélection bi groupe bobu daf ci am ño xamné un nombre précis bo xamantene ñom ay tidiane lañu don tan ils sont obligés ce nombre précis là pour ñu bok ci tidiane yi obligé né lutax parce que pour ñu mëna nek ci ci daïra khutbu bi c'est à dire que pour buñ leen élire c'est à dire que ñom fi ñu nek ce nombre précis dafa am ben xéetu formation buy am ci seen biir buy am fofu et que buñu leen élire buñ ñëwé ñom ñu mëna nek autour de voilà pour nous mën ko remplacer c'est à dire que pour mu am au moins ñu apte pour mëna remplacer Koudou bi un jour ou l'autre donc ça veut dire que Tidiane fay dem ñom bu ñu ñëwé déjà voilà il faut que ñom ñu bok ci 40 voilà 6 bu ñu ñëwé dañu bok ci wa bu ñu ñëwé ci 40 dañu bok wa bu ñu ñëwé ci 40 dañu bok mais est-ce que c'est obligé que cette Koudou par exemple nek Tidiane non lol la wax en fait voilà c'est à dire que li mo wax ne sank ne comme genre république la moy dafa am ordre précis manam moy lan moy dune par exemple duñu ne comme tidiane ñoy ki rek keñu affaire voilà jeex tidiane ki sefi nek mais bo xolé voilà dafa am diversité quand même parce que lolou lu imposé wu la c'est quelque chose de muñu imposé la non la ko yalla bëgg ni la ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam décrété non lay démé c'est-à-dire que il faut mu am ay nit ñoo xamné comme ñoo xamantene ku melni ay ibn arabi radhiyallahu anhu abdul karim al-jili ñom cheikh abdul khadir al-jilani ak ñeneen radhiyallahu anhu il faut que c'est représentant nek ces grands là il faut que c'est représentant nek voilà c'est comme assemblée nationale pour qui manam il faut que couleur politique yépp kep ku ci éligible nga am ci un nombre de composants précis ci aduna bi ci ki bi ci état ci réew mi buñu défé élection après selon proportion bobu di nga am ay élu voilà ay élu ci sa ci sénat assemblée nationale bi voilà donc lolu il faut mu obliger voilà ce qui fait que ku nek en fait ku nek ci yoonu yalla bu meuna don rek meun nga prêt manam meun nga accéder ci niveau diwan salih voilà léke par exemple jigen du nek khutbu ko wa à partir de Fatima de Matala est-ce que par exemple jigen bu nek chef Abdali wala chef benen en fait tout dépend khutbu dal lo meuntane khutbu mo munu ko nek mais benen yenen niveau spirituel yep da konté wul mu meun ko nek yenen niveau spirituel yep da konté wul mu meun ko nek moy digënté bi papam génné aduna sallallahu alayhi wasallam ak bi mi génné aduna 6 mois yoy voilà ouais mais mom aussi niko yalla bindé la c'est-à-dire que sayyidat fatima alayhi salam dafa am benen réalité bu nek ci mom bo xam tane nekul ci yenen jigen ni wala la plupart ci jigen ni moy mom ni yalla bindé manam mom manam liko constituer comme existence manam comme être liko modeler liko constituer moy ay parti wu aljana la yo xamantene dañ ko puiser dañ ko jele dañ ko manquer directement ci haqiqatul muhammadiyya c'est-à-dire que réalité papam leru papam lañ ko bind directement maintenant lo c'est d'une manière bo xamantene dafa inaccessible manam fi raison commun bi manam nit commun munu comprendre lool munu comprendre lool nan la meuna nekké mais affaire bi non la démé voilà réalité lo bo xamné non la démé quoi voilà même boudé commun bi munu ko comprendre parce que du commun bi du lepp la meuna comprendre manam le fait que nga meuna comprendre lool rek déjà xamal ni amna voile yu yékkit yu tax nga mën ko comprendre sinon voile yoy buñ fi nekké do man comprendre nga lolu man tane parce que sayyidat fatima alayhi salam bi radiyallahu anha bi mi gane aduna fek na yantou bi sallallahu alayhi wasallam yonegul ko c'est 6 ans avant la révélation ci la gane aduna hein avant la révélation parce que mon 29 ans le dundu la révélation 23 ans là ah yakarna buñu wowe xalé soustraction ñu laaj leen ko ben trouver elle a vécu 29 ans oui. Ah voilà donc 6 ans avant la révélation tu l'as gagné aduna ah ah voilà la révélation a duré que 23 ans voilà mais sauf que mom yalla nim ko pindé la ça veut dire que nim ko constitué être lool la lool nak ngeenilu yalla la bu muy def ci kuko neex yalla day def loolu tamit voilà yalla day def loolu day am ño xamné yalla biñu ñom biñu juddou déjà la yalla jël sen être am num ko constitué no xamantene bokku la nim constitué ñeneen ñi maintenant visiblement ni ci biti nit ñi buñu leen di gis dañuy fogné ñom ak ñepp ño yam parce que dañu yor yaram comme ñi ci dess comme ñepp mais affaire bi nekul non amna ño xamantene lolou mom motax amna ño xamantene lolou buñ koy am dañ koy am après buñ juddou c'est à dire que dañuy dem ba juddou ba mag commencé évoluer spirituellement yalla defal len lolou lolou mom motax par exemple sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu day fekk ben nit bo xamantene ila du taxuko c'est-à-dire que day fekk un commun quelqu'un voilà de la masse populaire mu changer ay caractéristiques ak ay critères mom ni mu mel deug voilà wala mu ñew fekk nit ko xamne da fay gis ni ah ki kat go mi ngi gor gorlu mi ngi def ki mi ngi def nangam mu ñew dadi dadi jël génome yi wala ADN-am yi mu détruire lepp détruire ko totalement remplacer ko par bossa mom ce qui fait que nit ku mel non fu mu toll day communiquer ak univers yépp à travers Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu c'est-à-dire day nek nit ko xamantene être en fait comme si Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu mo nek ci mom di réagir voilà etc. Mais aussi benen affaire bi lay am moy ko xamantene juddogul Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ñew au moment de la conception moment bobu mu am num ko modéliser manam num ko modeler numu changer numu defé ci mom yenn mbir yo xamantene mom la bëgg mu nekk ci mom pour que après mu mëna jouer tel rôle ci univers bi ci aduna bi yépp Cheikh Ahmed Tidiane da koy def radhiyallahu anhu lolou mom motax nak il faut surtout jigen ni ñu bayyi xel notion bobu parce que suñuy goor ñi tam war nañ ko bayyi xel mais jigen ñi surtout suñu bëré ay salat fatiha yu ñuy def yalla mën na leen defal lool manam et que ñu deggu ci sopp biñ sopp ci rahmat tidiane radhiyallahu anhu ak tamit ñu sincère ak tamit ñu sincère ci seen négu sey manam seen négu sey vraiment ñu sincère ci rek té yalla tax dal manam ñu nekk ci anam go xamné yalla moy tax yalla mën na leen defal ay doom yo xamantene manam ci lool la parce que ces gens là ñoñu non amna ñu judd amna ñuy judd amna ñuy ñëwaat amna ño xamné dans un siècle la ñu ñëw etc. Et ils existeront toujours. Maintenant, pour nga am ci ñu mel lool, yow tamit mën nga def mën nga ko fagu. C'est-à-dire que mën nga def lu lay war lu waral nga mëna am lu mel lool. Parce volonté personnelle, sa volonté personnelle. Ci deggu gi ngay deggu sa digënté ak Yalla sur jentou sa sama mais sur sop gi ngay sop Cheikh Ahmed Tidiane. Radhiyallahu ak salatu fatihi ni ngui koy bëgg ni ngui koy nekk di ci nekk ba mu jaxoso ak sa deret nga def salatu fatihi di ci ba mu jaxoso ak sa deret parce que après dom di ngay am nonu lay consou ba nonu lay non lañ man non lay moño man nonu lay voilà c'est à dire que mom en fait ADN am dañ ci graver salatu fatihi sirah bi ci jani de lanu di ñew mën na ñëw changer caractéristique yu bari ci ay mbirum remplacer ko par ay bossam mo tout simplement voilà ñu c'est des réalités am maintenant lool tamit bokku na ci likoy maye aussi mom lool mom ñun ñëpp xam nañ limay wax parce que am nañ ci exemple yu précis yu ñu xam ku gis ne amna doom yo xamantene nit ki su ko bëggee am dafa am comportement yu ñu am ak jëkërëm tamit comme mam jara bu so radiyallahu anha ñun ñëpp xam nañu exemple la bo xamne ñun ñëpp xam nañ ko manam fim tool lu way waye di lu way musse di nek nek sénégalais mom xamna exemple ni mam jara bu so radiyallahu anha ni mu doxale ak borom kërëm ba borom subhanahu wa ta'ala dox ko kémanu jaman manam en fait c'est une personnalité bo xamné boy xol en fait dafa unique c'est une personnalité unique Seigne Touba radhiyallahu anhu manam lu way meuna parparlo ak wayé di xamné ni Seigne Touba mo ben façon la mom xamna radhiyallahu anhu voilà lool mom voilà donc voilà ak li ki wax Cheikh Omar radhiyallahu anhu dané man suñu keur sama village bima dekk bayina fa ay goor yu melni sama papa mais xam nga lan la fa bayiwul jigen ñu melni sama yaay la fa bayiwul voilà donc ça aussi c'est un secret bo xamné manam tekkiwul ne da ngay top sa jëkkeul ci lu ko neex bu ne nañ bali nga bali bu ne nañ ci du lool wa mais limi tekki moy nga am rek manam ak yar teggin manam ben comportement bu minimum quand même par rapport ak manam bien séance convenance ak respect bu minimum par rapport ak voilà et aussi que tout simplement nga nango jaamu yalla parce que ñoom seen yaay ku leen gis xamna ñu da jaamu yalla dana jaamu yalla vraiment yo xamanteni voilà dañu nango jaamu yalla sayyidat fatima radhiyallahu anha yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafni fatima ahsanat farjaha fa harrama allah dhurriyataha ala na sayyidat fatima dafa sangé prime motax yalla haramalal ci njabotam sawara manam moy lan moy dafa nek jigen jo xamantene nekul di def tabarruj manam exhibitionnisme peut-être en fait c'est un mot bo xamantene buñ ko waxe ñu bëri dañu fogné dafa lourd par rapport ak yenn comportement mais en réalité c'est le mot Sayyidat Fatima bi melé nonou yalla may ko njabot gim ko may gis nga lolou manam waxul né may bayam motax yalla may ko njabot bu ko may dede xolo Sayyidat Maryama alayhi salam Maryama yaayu kat yent yalla Isa alayhi salam lan la yalla wax walati ahsana farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin ak walati ahsana farjaha fa nafakhna fiha min ruhna waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin ki nga xamne dafa sangé won preuve manam moy jigen la ko xamne dafa exemplaire won ci le fait que mu nek ko xamantene dafa sangé wu c'est-à-dire que dafa am ben protection bu mu def ci digeentem ak goor ñi di banexu ci mom xam nga tay amna lo xamantene yow ya japp ne du dara par exemple ñu jël ben exemple ndaw moy bis en fait man buma jappé ni bis bi non mais djoubluma ci dara c'est pas grave ki en fait man mako japp mais man ki may bis man xawmu mom lu mu japp man mané non mais xam nga yoguma ci dara mais en plus c'est pas tout temps voilà légui ah lol mom yaakar na ni ñepp xam nañ ni may wax voilà man nak yalla dimbal na ma bu musuma bis mais xam na limay wax alhamdoulillah deng mais voilà donc yoy yep manam donc lol exemple la rek parmi tant d'autres xolal min ne maria xamul lan la wax ni sayyidat maryama lol ta yalla may ko yent yalla isa lolou la souligner lenen waxul ne da nan djullu lu bari da nan worul ba deng ni la felo dafa sangewon manam dafa fexone ba nek ku chaste dafa garder won cette chasteté muna ma daal def ci mom suñu roh suñu esprit ma def ko mom ak domam di kiman pour aduna ji voilà donc cette pureté extérieure et intérieure mom moy indi nit ki pour yalla manam pour bol bokku ci ni manam ci moy boudé ci côté jigen ni boudé gor ak côté gor ni aussi amna yenen yu ñu bok moy bëgg yalla bañ di iñana ko soxor ki ngand lu et cetera ak yu mel nonu et que surtout nga am détermination ak volonté bu précise ci sa jamu yalla té yalla manam ngay dugg ci yalla voilà lool moy yoon bi amna tamit benen affaire attention bu ma len waxul pour kuy dem fo ku bëgg dem fo il faut nga and ak ku fay dem voilà il faut nga am sëriñ bu fay dem après mom dina la mëna yop fof voilà voilà mom mo la après mom dana la pistol dougal la fa voilà voilà légui kon xamna inshallah ñu yam fofu inshallah wallahu ta'ala alama sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.